remplit la tête de concepts, de phrases toutes faites. Avant qu'on t'ait dit combien d'étoiles t'as au-dessus de la tête. Avant qu'une personne bien intentionnée t'ait dit le nom d'une fleur que t'as même pas eu le temps de regarder. De sentir, de toucher, d'écouter, d'embrasser, de manger. J'aimerais que t'aies le temps de vivre toute une vie d'enfant, que tu sois jamais grand. J'aimerais t'accompagner, apprendre à tes côtés, échanger, rire, danser. Avant que les profs ne t'aient farci la tête de régler des guerres. Avant que le sport ne t'ait appris la compétition. Avant que la masse des ignorants t'ait avalé. J'aimerais que tu apprennes sans mur, sans chaîne par toi-même. J'aimerais dès le temps de vivre toute une vie d'enfant. Tu sois jamais grand. J'aimerais que tu apprennes à être ton propre maître, à apprendre par l'action, à partager tes connaissances par ta simple présence. Avant que médecin et pharmacien n'aient mis la main sur ta propre santé. Avant que l'État t'ait convaincu que sans lui, tu peux pas exister. Avant que le système judiciaire ait prétendu avoir le droit de te juger. Avant que l'Église ne t'ait inculqué la culpabilité. T'es drogué, tu puisses plus t'en passer. Avant que la pub t'ait dit comment et quand t'alimenter. Avant que Big Brother ne t'ait complètement numérisé, fiché, formaté, instrumentalisé. J'aimerais que t'aies le temps de vivre toute une vie d'enfant. Tu sois jamais grand. J'aimerais qu'avec nos amis, on vive ensemble l'anarchie, l'autogestion, l'autonomie, la belle vie. Ah, la belle vie. Tu sais, les grands faut les comprendre, ils font leur mieux. Comme tout le monde disait, c'est de profiter de la vie avant d'être vieux. Sauf qu'ils ont pas tous compris que le bonheur vient de l'intérieur. Qu'aimer c'est laisser vivre. Écoutez avec le cœur. J'aimerais que t'aies le temps de vivre toute une vie d'enfant, que tu sois jamais grand. J'aimerais t'accompagner, apprendre à tes côtés, échanger, rire, danser.